Nous saluons chaque frère et chaque sœur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vous amène les salutations de notre frère Lubangi Karsis. Lumami Karsis. Tarsis. C'est notre frère de l'Assemblée Sœur de Kamatanda. Notre frère Luamba Malisawa. Le berger de Katanga. Le frère Robert Mposhi. Le frère Ferdinand Kabongo. Le frère Pierre Mulamba. Le frère Bernard Munongo. Le frère Sylvain Founi. Ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom de notre Seigneur. Je vous demande de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 18. Verset 31-32. Aziza mikono ya Aziza Nous disons merci notre Dieu pour ta miséricorde et ton amour envers nous. Même si nous travaillons n'importe comment, le salut ne concerne pas les travaux que nous faisons. Le salut concerne l'œuvre que toi tu as fait. Ou l'argent, ou la richesse de ce monde ne peuvent pas nous sauver. C'est toi qui es notre sauveur. Pour l'œuvre de la calvaire, nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé le pardon de nos péchés. Nous avons trouvé le salut de nos âmes. Nous avons trouvé le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes guéris à toute maladie. Descends parmi nous ce soir. Fais quelque chose. Parce que moi je suis un homme. Toi tu demeures Dieu. Tu connais la soif et la faim. Et le besoin de tout enfant de Dieu. Lorsque ta parole sortira, aide-nous tous. Et à la fin qu'on puisse dire, c'était merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Que la gloire retourne à toi. Que la joie soit à nous. Et toute la honte demeure dans le camp de Satan. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons toujours debout. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mouriez-vous, l'église de Kambove? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Moyo mupia na ro mupia. Cela est notre sujet. Il est Joshina et tout. Ce qui est important, mon bien-aimé frère et soeur, ce n'est pas de servir Dieu. Ce qui est important, d'abord, c'est expérimenter le salut de notre âme. Il y a des gens aujourd'hui qui essayent de minimiser la nouvelle naissance. Nos frères, enseignez-nous des choses profondes de l'esprit. C'est bien. On peut enseigner les choses profondes de l'esprit. Et les grands mystères de Dieu. Mais si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, cette connaissance ne va pas te sauver. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Ce qui est important, c'est que chacun expérimente d'abord, qu'il ait d'abord un nouveau cœur et un nouveau esprit. Ensuite, on va nous enseigner. Nous allons comprendre les choses de Dieu. Sans un esprit nouveau, sans un cœur nouveau, même si tu comprends, tu retiens par cœur la Bible, et qu'on t'apprend les 70 semaines de Daniel, le 7 sauts, 7 trompettes, ainsi saba, de suite, saba, na bile bingine, ça ne va pas t'aider. Aita kusaidia mkitu. Est-ce que nous sommes là à l'église? Eti tuku pale kanisa. Enseigne-nous des choses profondes. On va t'enseigner des choses profondes. Mais tu demeures encore voleur. En quoi ça va t'aider? Cette connaissance ne t'aidera pas. Si tu es encore têtu devant ton mari. Est-ce que sommes-nous encore, mes soeurs? Unaweza kujua maupana ya mafundisho ya ujumbe. Connaître les profondeurs de ce message. Mais kama uyapata moyo mupia. Mais si vous n'avez pas encore un cœur nouveau. Na roho mupia. Et un esprit nouveau. Ile ufahamu ya neno. Toute cette connaissance de la parole. Haitakusaidia hata mkitu kimoja. Ne vous aidera en aucun cas. Parce que toute personne qui naît de la femme est un très mauvais. Est-ce que tu peux dire ça? Nous ensemble. Mutu yote. Toute personne. Même l'enfant du prophète. Même l'enfant du pasteur. Même l'enfant d'un serviteur. Lorsqu'il naît dans la chair, on ne va pas lui enseigner le faire le mal. Le mal, ça se trouve dans son cœur. Ça se trouve dans le sang. Nous avons un sang souillé, un sang déjà détérioré et de mauvaises habitudes que nous héritons de dans l'innocence. Et vous entendez Paul dire qu'il n'y a personne qui se glorifie selon la chair. Toutes les tribus de ce monde, il y a là dedans des prostituées, même chez les blancs. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous aide qu'on comprenne correctement. Toutes les tribus de ce monde, il n'y a aucune tribu où une personne puisse y naître étant déjà sainte. Toute personne qui a son père et sa mère est un mauvais, un méchant. Ne suivez pas le français que les blancs nous enseignent, les français. L'homme né naturellement bon. Ils disent à ce monde mais c'est la société qui la rend mauvais. Ça c'est faux. Toute personne née étant déjà souillée. Est-ce que tu ne peux pas sommes-nous ensemble? Toute personne née étant méchant. Parce qu'il n'y a aucun parent qui enseigne à son enfant comment voler. Il n'y a aucun parent qui enseigne à son enfant comment se fâcher. Tous ces prostituées que vous voyez sur route en portant les mini-jus. Ce n'est pas sa mère qui lui a enseigné de faire la prostitution. C'est la méchanceté qui était dans son cœur dès sa naissance. C'est pourquoi je commande la seule façon de se débarrasser. Aïna kuomba sana. Ce n'est pas de beaucoup prier. Aïna kufuga chakula. Ce n'est pas de jeûner. Aïna ta kuimba mukanisa. Ce n'est même pas chanter dans l'église. Aïna kutumikia Mungu. Ce n'est même pas travailler pour Dieu. Namuna moyo ya kujidebarasser na ile nature. La seule façon de se débarrasser de cette nature. Kuitikia kufa pamoja na Yesu. C'est d'accepter de mourir avec Jésus. Et d'être né de nouveau. Jo namuna moyo ile tunajua. C'est la seule façon que nous connaissons. Kufuatana na Biblia. Conformément à la Bible. Ya mtu frère. Parce que le cœur d'un homme doux, l'homme est méchant. Et l'homme est la créature la plus compliquée. La plus compliquée. Qui on a mis à la mungu qui tu es. Ça fait même tourner la tête avec Dieu. Et toutes les créatures obéissent à Dieu. Regardez le soleil. Dieu a dit, vous allez vous lever le matin. Et au soir, vous allez vous coucher. Depuis que Dieu avait prononcé une seule fois, le soleil avait entendu. Et le soleil obéit jusqu'à ce jour. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, regardez l'homme. Tous les jours, pour rappeler à l'homme, Dieu a établi même Maudouma. On commence à rappeler à l'homme tous les jours. Mais l'homme n'accepte pas toujours une créature très compliquée parmi toutes les créatures. C'est l'homme. Une personne qui n'a pas encore cru, c'est un méchant. Nous tous, comme le dit Paul, dans Ephésiens, surat chapitre, il dit que nous tous, on était comme eux. On marchait dans les mauvaises voies. On marchait dans les voies des iniquités. Écoutez, Ephésiens, surat chapitre, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourquoi Pouvons-nous accepter Amen? Nous tous, on était morts. Vous étiez morts. Pourquoi baigner Koufa? Et une personne sans Dieu est une personne morte. Même s'il marche dans un véhicule, c'est une personne déjà morte. La vie de l'homme dans ce monde, la vie de l'homme dans ce monde a du sens, hein? C'est seulement si cette personne-là croit en Dieu. Frère, c'est pourquoi Bible on a ce mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit clairement. Une personne qui ne croit pas. Une personne inconvertie. Une personne sans Dieu. N'est pas différent d'une bête. Je vous dis la vérité. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Écoutez, nous tous aussi, ne voyez pas comme nous sommes debout vers devant vous. Le sang de Jésus-Christ a la puissance de sauver un mauvais, un méchant, un pécheur, et te faire un enfant de Dieu véritable. Amen. Si chacun peut passer devant, s'il trouvait une occasion de parler de ce qu'il était, nous fermerons les oreilles. Nous fermerons même nos yeux. Nous étions des méchants. Nous devons être reconnaissants devant Dieu et de savoir que il n'y a aucune œuvre que nous avons fait pour être sauvés. Et même ce soir, il n'y a aucune œuvre qu'une personne fera pour être sauvé. Exigence moya. Kanuni ke une seule kanuni. Shurti moja. Une seule exigence. Tu as kupata wokovu. Pour avoir le salut. Ni kuitika Yesu Kristo. Ça d'accepter Jésus Christ. Qui a été crucifié. Alléluia. Amen. Damu ya Yesu njoo kuna uwezo. C'est le sang de Jésus qui est puissant. Ya pokola mutenda zambi ata waovyo. De sauver n'importe quel pécheur. Et damu ya Yesu tukona miubiri. C'est le sang de Jésus que nous vous prêchons. Aina riche hapana. Ce n'est pas une histoire. Ni mambo ya vya kweli bandugu na madamu. C'est une réalité mes frères et sœurs. Damu ya Yesu Kristo. Le sang de Jésus Christ. Inatosha bupumbavu mbichwa yetu. Oh, toute stupidité dans notre tête. Inatosha bushenje mwetu maisha. Oh, toute idiotie dans notre vie. Inatosha kubitu bya ovyo. Nous autres dans des choses de vain. Zamani hakuna mtu aliweza kutuangalia. Autrefois personne ne pouvait nous regarder. Kama anaweza kutuangalia leo tu unatembea kama tosimia. On nous regarde aujourd'hui et qu'on nous respecte. Kwa ajili ya kile Yesu alifanya kwa msalaba. C'est grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Tunapasha kuwa na shukrani. Et nous devons être reconnaissants. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide vraiment. Bible nasema nous tous aussi. La Bible dit nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, lakini Mungu, qui est riche en miséricorde, mwenye kuwa mtajiri mwema, à cause du grand amour, kwa sababu ya mapendo yake dont il nous a aimé, l'alitupenda nayo, nous qui étions morts, tulikuwa benye kufa, par nos offenses, kupitia makosa yetu, nous a rendu vivants, alitufanya tunakuwa bazima, avec Christ, pamoja na Kristo. C'est par grâce, ni kwa nema, que je suis sauvé, jo naokolewa. C'est par grâce, ni kwa nema, que tu es sauvé, jo uko mwenye kuokolewa. C'est par grâce, ni kwa nema, que tu es sauvé, mon frère, jo uko mwenye kuokolewa, nduku yangu. Pas par les œuvres, hapana kupitia matendo. Comme notre pasteur qui me le disait aujourd'hui, si Dieu pouvait seulement regarder chacun de nous avec un œil vigilant, c'est dire que tout celui qui va pécher, il va mourir, et qu'il impute seulement un temps, il met, il place un temps, il dit dans une semaine, tout celui qui va commettre le péché, il va mourir. Frère, avant même 7 jours, il n'aurait personne ici. Akupasha kubakia mtu hata moyo hapo. Parce que la Bible le dit. Sababu Biblia inasema. Tous nous branchons depuis jeune. Chepo wote tunakotola mnamna kuachana. Si quelqu'un ne branche pas en parole. Kama mtu ashikotole mkusema. Même par ses actions, il va brancher. Hata matendo yake atakotola paka. Si ne branche pas par les actions. Kama shikotole kupitia matendo. Même dans la pensée. Hata mawazo yake atakotola mpaka. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tuko lazima na neema ya Mungu. Et la Bible dit dans Tite chapitre 2 verset 11. Na Biblia inasema mtito wa pili sura ya 11. Car la grâce de Dieu source du salut. Sababu neema ya Mungu ndio chemchemu ya wokovu. Pour tous les hommes. Juu ya watu wote. A été manifesté. Ilionekanishwa. Quand vous obtenez la grâce. Wakati unapata neema. La Bible dit elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Inatufundisha kukatala kubuchafu. Notre grâce à nous. Neema yetu sheye. Que nous avons obtenu auprès du Seigneur. Tulipata kwa Bwana. Est différent de la grâce que les gens les l'église reçoit. Leur grâce à eux, c'est d'avoir le visa pour aller en Europe. Visa mais notre grâce à nous, c'est d'avoir le billet pour aller au ciel. Cheti ya na alléluia. Amen. Voilà la différence. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Une personne qui a reçu la grâce, l'Esprit de Dieu lui enseigne. Je dis que autrefois tu marchais ici, maintenant aujourd'hui comme tu es devenu une nouvelle créature, quitte cette voie et regarde la voie dans laquelle les élus doivent marcher. Alléluia. Amen. Et au convoitisme mondain. Et à vivre dans ce siècle présent. Selon la sagesse. La justice. Waki, la piété. Utawa, en attendant la bienheureuse espérance. Ile, tumainia utukufu, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Kwa utukufu ya Mungu wetu mkubwa, et sauveur Jésus Christ. Na mwokozi wetu Yesu Kristo. Il s'est donné lui-même pour nous. Yemu ya rijitoa juu yetu. J'aimerais que chacun de nous se place là. Il s'est donné lui-même pour moi. Arjitoa ye mwenyewe juu yangu. Il s'est donné lui-même pour toi. Arjitoa ye mwenyewe juu yako wewe nduku yangu. C'est pour toi ma sœur. Ni juu yako dada yangu. Que Christ est mort à la croix. Jo Kristo alikufa kumsalaba. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé. Jo kama napendaka zaidi. De lire d'une autre manière le livre d'Ésaïe chapitre 53. Kuisoma mnamo na nyingine kitabu ya Isaïa. Sura makumi tano na tatu. Parce que quand nous les lisons au pluriel, kama tu kune soma mwingi, ça sonne bien, mais vous sentez que ce n'est pas, ça n'atteint pas la profondeur. Iko na shirika mzuri, mais lakini haifike mune mupana kabisa. Ésaïe chapitre 53. Isaïa sura makumi tano na tatu. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Nani aramini kubeba tutangazia? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani aliona mkono wa milele? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ailamuka mbele yake sawa chipuko kidoko. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer mes regards. Et son aspect n'avait rien pour me plaire. Verset 4. Cependant, ce sont mes souffrances que Christ a portées. Le Christ a ribeba. Il ne faut pas dire que c'est à cause de nos souffrances. Christ est mort à cause de mes souffrances. Il y a quelqu'un qui a pour qui Christ est mort. Le premier, chacun dira que c'est moi. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que vous croyez comme cela? Je l'ai considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais lakini, il était blessé pour mes péchés. C'est pourquoi on a Jésus. Il y a même un cantique que nous chantons, le frère Jésus. Mes péchés. Dieu a dit à tous nos péchés. Mazambi yangu, pourquoi on ne dit pas Mazambi et tout? Ni muntu na le problème du salut, c'est chacun individuellement avec Dieu. Tous mes péchés. Mazambi yangu yote. Tous mes péchés. Mazambi yangu yote. Mon sauveur le a pris. Mokozi wangu ari beba. Tous mes péchés. Mazambi yangu yote. Tous mes péchés. Mazambi yangu yote. Mon sauveur le a pris. Mokozi wangu ari beba. Amen. Frappé de Dieu et humilié. Na Mungu na kufezeleshwa. Il était blessé pour mes péchés. Aliumizwa juu ya mazambi yangu. Brisé pour mes iniquités. Alivunjwa juu ya maovu yangu. Même le châtiment qui me donne la paix. Hata malipizi nilipatia salama. Était tombé sur lui. Ina ilianguka juu yake. Et c'est par ce meurtre ici. Na nikupitia bidonda yake. Que je suis guéri. Na njo napona. Bien-aimés frères. La croix nous a amené deux choses. La guérison de l'âme. Et le pardon de nos péchés. Ensuite, il y a aussi dans la guérison là, il y a une double guérison. Même ce soir, puisque Christ est mort à la croix, Christ tu as droit à la compassion même ce soir. Ya, tu as droit au pardon de tes péchés. Ya, usama ya mazambi yako. Tu as droit rusa, au pardon de tes péchés. Usama ya mazambi yako. Est-ce que vous croyez ça, l'église? Tu as droit ya lali, à la compassion de Dieu. Ya uruma ya Mungu. Akushikilie buluma. Tu as droit à la bonne santé. Huko na ile halali ya afya njema. Oh, l'église ne comprend pas mon frère. Kanisa yeleo kitu. À cause de la croix. Kwa ajili tu ya msalaba. Nous avons droit. Chebote tu kunaele halali. Tu kunaele ruhusa ya uponyaji ya Mungu. Aucun malade. Joko mwana kuna hata mgonjwa moyo. Aucun frère. Hakuna hata nduku moyo. Hata dada moyo. Ne permet de venir dans la présence de Dieu. Ashiruhusi kuja mpuepo ya Mungu. Etant malade. Mwenye kuwa mgonjwa. Et sortir de la maison de Dieu. Kutoka nyumba ya Mungu. Et malade. Mwenye kuya paka mgonjwa. Hapana nduku. Nous venons malade. Tukunakuya bagonjwa. Mais nous retrouvons la guérison ici. Tukunapata uponyaji hapa. Nous venons avec de péché. Tunakuya na mazambi. Christ nous soulage. Kristo anatufariji. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères. Bapendo banduku. S'il y a quelque chose de très important. Kama kitu mwa kia lazima sana. C'est le salut. Ni okovu. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut égaler au salut. Hakuna kitu kile wanaweza kulinganisha na wokovu. Le salut okovu est très élevé que toute autre chose de ce monde ici. Kuliko bitu bingine byote bya mwidunia. Tu peux prier le Seigneur. Unaweza kuomba Bwana. Qu'il te donne la maison. Akupatie nyumba. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. S'il te voit dans le besoin. Kama nakuona kumhitaji. Il va te donner la maison. Atakupa nyumba. Tu peux demander à Dieu. Unaweza kuomba kwa Mungu. Donne-moi du travail. Unipatie kazi. Le Seigneur est fidèle. Bwana ni mwaminifu. S'il te voit juste sincère, tu kwa moyo wachi, il va te donner le travail. Hata kupatia kazi. Mais écoutez-moi bien. Sasa sikilizeni mapendo yangu. Après toutes ces choses-là, kisha kupatia bile bitu byote bile. Après avoir reçu le travail, kisha kupokea kazi, la maison, nyumba, le mariage, ndoa, l'argent, feza, la voiture, gari, le champ, mashamba, et tout le reste. Na hivi byote bingine bingine. Shiku moya. Tu es venu nu. Ulikuwa hapa mtupu. Tu retourneras nu. Utarudia mtupu. Mais la plus grande richesse lakini utajiri ya munene zaidi dont Dieu est jaloux réservant pour ses enfants c'est le salut ni okovu. Quand il te donne le salut wakati na kupatia okovu, même après ce siècle ici de l'autre côté ile ngambo ingine, tu vas donner raison à Dieu utampatia Mungu sheria, tu donneras raison à Dieu utampatia ka Mungu sheria de l'avoir cru ya vile ulimwamini. Alléluia. Amen. C'est vrai ni kweli. Aujourd'hui, Léo, beaucoup de gens Batuming. Essayent de vouloir connaître le grand mystère du royaume de Dieu. Bekuna pima kubajue masiri munene ya ufalme ya Mungu. Cela est très bien. Ile ni ya mzuri. Mais sachez que la connaissance lakini mjue kwamba ufamu ne sauve personne. Ayoko wake mutu atamoya. Le salut okovu est uniquement en Jésus-Christ. Iko tupaka ndani ya Yesu. Et pour Christ. Avoir le salut, na njoo kupata okovu, il faut rencontrer le sauveur. Inafadhali kubumbana na mokozi. Amen. Amen. Je voudrais vous lire dans la lettre circulaire. Nipenda umisomea mui barua kuzunguka. Avril 2015. Mwezi ya ine, mwaka 2015. Page 5. Kartasi yake ya 5. Au milieu là-bas. Mule mukati. Il n'est utile à aucun croyant. Aina ya mafata kwa mwaminifu moya. Airusiwe kwa mwaminifu hata moya. Il n'est utile à aucun croyant. De voir seulement le signe du temps. Ya kuona tu ile alama paka ya wakati. Et connaître le signe du temps. Na kujua alama ya wakati. Mais lakini les expériences bibliques. Maonjo ya Biblia, ya mbiblia. Un. Ya kwanza. De la justification. Ya kuhesabia haki. Deux. Ya pili. De la sanctification. Ya utakaso. Trois. Ya tatu. Du baptême du Saint-Esprit. Ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Doivent devenir à présent. Inapasha kuwa hapa sasa. Comme aussi réel comme cela est fut du temps des apôtres. Sawa vile kwa bya kweli sawa wakati wa mitume. Paka vile ba mitume. Comme les apôtres avaient fait ces expériences, ces trois expériences, nous avons dit, il n'est permis à aucune personne aujourd'hui de connaître seulement les citations et les versets et de connaître tout ce qui se passera dans ce monde sans pour autant expérimenter. Cette connaissance ne vous servira à rien du tout. Est-ce que pas organisé ça? Sommes-nous ensemble l'église? Mungu atusaidie ça. Que Dieu nous aide vraiment. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Wakati mtu anapata neema. Lorsqu'une personne reçoit la grâce. Na nakutana na Yesu. Et qui se rencontre avec Jésus-Christ, Yesu Kristo anampatia kitu kile dunia haiwezi kumpatia. Jésus-Christ lui accorde quelque chose que le monde ne peut pas lui donner. Utajiri bule hawezi kuharibika. La richesse qui ne peut pas être détériorée. Leo mama desturi ya kwetu kwa Afrika huko. Aujourd'hui dans nos habitudes ici en Afrique. Kama unaweza taka nyumba kama hiyo. Lorsque vous achetez même une maison. Vous mourrez. Tous les yeux de la famille regardent cette maison-là. Même si on ne vend pas, mais celui qui va commencer à rester là-bas, on va commencer à nous distribuer tous un petit. C'est comme ça, les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a une ville canissa? Ce n'est pas comme ça, l'église. C'est comme ça que ça se fait. Lorsque vous laissez la richesse, c'est pour ceux-là que toi tu as laissé. Ils vont prendre, se distribuer un peu par-ci par-là. Il y a deux richesses. Cela, lorsqu'une personne est morte, on ne peut pas se distribuer. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous avez le salut, lorsque vous mourrez, celui qui va bénéficier, c'est toi. La famille ne peut pas se distribuer cela. Ce sont des richesses que Dieu a données à chacun en particulier. Alléluia. Amen. Et il y a une autre richesse. Ce sont les péchés. Lorsque vous mourrez, même si on t'a aimé n'importe comment par ta femme, n'héritera pas tes péchés que toi tu as laissés en suspens sans réparer. C'est ce qui est important. Et lorsque vous rencontrez avec le Seigneur, vous naissez de nouveau. Et pour être de nouveau, nous avons commencé à parler ça hier. La naissance, pour être né, c'est d'abord accepter de mourir. Et personne ne peut accepter de mourir facilement. Et il n'y a aucune semence qui peut être semée et germée sans pour autant mourir. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Toute semence qui est semée, premièrement, ça doit mourir dans la terre. Et après la mort, ça doit pourrir. Si le grain de blé qui tombe ne meurt, kama mbeko ya ngano inanguka ikufe, il reste seul. Inabakia yo peke. Mais s'il meurt, lakini kama inakufa, il produit beaucoup de fruits. Inazala tena matunda ya mingi. C'est la Bible qui le dit. Ni Biblia jona isema. Na kama unakufa, et lorsque vous mourrez, C'est Christ maintenant qui va germer. Kamuna lorsque vous vous ressuscitez, aina tena we utaishi. Ce n'est plus toi qui vas vivre. Yesu Christu. C'est Jésus-Christ. Il commence à vivre au travers de ton corps. Na une besoin na kulalamika. Et tu n'as pas besoin de crier. Parce que nous avons beaucoup témoigné. Sana, yule nous avons beaucoup parlé les uns sur les autres. Le temps est arrivé. Nous tous que chacun soit calme et tranquille. Afin que la vie de tout un chacun soit, puisse parler. Ma vie témoigne de ce que je suis. Même si je me cachais n'importe comment, si je suis un faux, un jour, Dieu permettra que mes mauvaises actions puissent être visibles. Que tout le monde sache qui c'est que je suis. Je crois dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas important de faire semblant comme si tu es déjà sauvé. Mais en réalité, que tu n'es pas sauvé. Ça ne vous aidera en rien. Vous voyez, si une personne meurt, c'est elle-même qui ira voir la réalité de ce qu'il a cru. Si elle a véritablement cru, nous pouvons même témoigner, toute l'église même, que cette sœur était une bonne sœur. Ce frère était un bon frère. Mais écoutez ce que dit la Bible. Si nous recevons les témoignages des hommes, ça ne suffit pas. Ayene. Les témoignages de Dieu Mungu est plus grand que les témoignages des hommes. Nous, nous sommes des humains. On peut se tromper facilement. Mais Dieu, lui, il ne peut pas se tromper. Et pour prouver que réellement tu es parti du ténèbre à la lumière, parce que quelqu'un ne peut pas prétendre rencontrer Christ et rester tel qu'il était. Non, quelque chose de spécial doit se passer dans la foi de cette personne. Alléluia. Amen. J'étais voleur autrefois. Depuis que j'ai rencontré Christ, je ne suis plus voleur. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. J'étais ceci autrefois. Depuis que j'ai rencontré Jésus à la croix du calvaire, par son sang, il m'a lavé, il m'a sauvé, il m'a délivré. Je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Une sœur du temps de Frère Branham. Dada mwa mwakati ya ndugu Branham akatoa ushuhuda yake. Il dit Frère Branham, je vais vous donner mon témoignage. Ndugu Branham takupatia ushuhuda yangu. Je sais que je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Najua ya kwamba shida tena kile nilikuwa zamani. J'ai déjà changé. Naisha kubadilika. Et je sais que najua je ne suis pas encore arrivé là où que je dois arriver. Shafika bado kule mimi napenda kufika. Le prophète dit c'est ça le parcours pour un véritable enfant de Dieu. Nabia akasema njoo safari ya mtoto wa Mungu wa kweli. Tout vrai enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu wa kweli. Doit aussi avoir son autre foi. Anapasha kuya na ile zamani yake. Quand vous le rencontrez, wakati unakutana naye, l'unique chose que vous avez à faire, kitu kimoja kinapasha kufanya, c'est de couper les relations entre toi et le monde. Ni kukatana na uhusiano wewe na dunia. Parce que nous vivons dans deux camps différents. Kitu kunaishi makampi mbili ya kuachana. Est-ce que hapa ni mambo ya kusoma sio no Frère Branham alisema? Est-ce que ici c'est le problème de parler que c'est Frère Branham qui a fait de prier les malades? Ce n'est pas le problème de prier les malades. Le monde a poké au corps ndani ya nafsi yake. C'est pour chacun de nous de recevoir le salut dans son âme. Amen. Amen. Le début et la fin de la dispensation de gentil. Mwanzo na mwisho ya kuhubiri kwa wapagani. Ya wakati ya wapagani. Wakati ya mataifa. Le 9 janvier 55. 9 janvier 1955. Point 27. Nukta makumbiri na saba. Daniel avait coupé tout le pont derrière lui. Daniel alikataka bilalo byote nyuma yake. Avant de continuer. Mbele ya kuendelea. Frère Branham donne un exemple, il dit. Ndugu ameta mfano mwana kusema. Anasema mwangalie ku ngambo ya ku Norvège kule. Il a dit regardez du côté de la Norvège. Baskari bale beko kule ngambo mwile ma wakati. Les soldats qui sont de l'autre côté en ce temps-là. Kama banata ku recruter baskari ba kwenda kumvita. Lorsqu'il veut recruter les soldats pour aller à la guerre. Abata beba mu muntu wa boka. Il ne prendra pas un père. Parce que ça fanyika wakati ya Biblia. C'est comme ça que ça se ferait du temps de la Bible. Est-ce que tu coupes moi kanisa? Sommes-nous ensemble l'église? Ivi mimi na mwetu kwa pe mangaribi. Tel que nous sommes là moi et vous. Tu es askari wa Yesu Christ. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Est-ce que moi mimi ni ne croyez-vous pas cela? Ne croyez-vous pas que vous êtes des soldats de Jésus? Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Il disait que lorsque ces soldats veulent aller à la guerre, ils s'entendent. Ici, quand nous allons partir, il y a deux choses qui peuvent nous arriver. Ou nous mourrons pour notre pays, ou nous allons tuer les ennemis, et nous allons dominer, prendre ce pays. Et lorsqu'ils veulent partir, ils devaient traverser le pont. Parce qu'il y avait deux villes différentes, les ennemis étaient côté, et eux vivaient de l'autre côté. Lorsque tous étaient partis dans l'entente, ils traversent le pont. La première des choses qu'ils devaient faire, ils prenaient une bombe, ils jetaient sur le pont et le pont était brisé. Même s'il y avait un péreux, un soldat péreux, il ne pouvait plus encore entrer. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas de bateau. Ils avaient rompu le bâton, le pont, afin de donner un cœur dur à tous les soldats. Allons combattre jusqu'à ce que tous nos ennemis tomberont. Alléluia. Amen. C'est comme ça que cela nous arrive aussi dans la foi. Lorsqu'une personne croit Christ, la première des choses qu'elle fait, c'est de couper le pont qui lui réunissait au monde. Vous coupez ce pont-là, les problèmes du monde restent là-bas, les ténèbres de l'autre côté, et nous nous venons dans la lumière. Alléluia. Amen. Daniel avait coupé tous les ponts. Il disait que Daniel Katakilaro Kyoti Mabila Lobioti. Derrière lui. Il n'envisageait plus à retourner là-bas. Ah, Shikutamani tena kutafuta kurudia kule. Si une personne qui envisage encore de retourner dans le monde, c'est une personne malheureuse. Même s'il ne parlait pas. Parce que parler, c'est dans la bouche. Je retourne dans la bouche. C'est difficile. La vie que vous allez mener montrera que vous n'êtes pas le nôtre. Même si vous entrez dans l'église, que Dieu nous aide. Il n'envisageait plus de retourner. Il regardait en avant. Il ne regardait pas à son passé. Il était en train de regarder devant. Oubliant le passé. Il courait vers le but de la vocation céleste. Maintenant, le prophète dit ceci. C'est ce que l'église devait être en train de faire. C'est ce que nous devions en train d'être fait même ce soir. Quiconque est arrivé devant Dieu, si y a une chose que vous devez faire premièrement, c'est de couper toutes les relations avec le monde. Amen. Amen. Et conformément à cela, il y a des choses qui amènent du chagrin. Le frère est ici, ou la sœur est ici. Des années durant, sa vie ne change pas. C'est quoi ça? Il s'est échappé. Il n'était pas mort. Personne n'est permis de travailler pour Dieu dans son église, de servir le Seigneur, s'il n'est pas né de nouveau. Qu'on s'entende très bien là-bas. Même si on mettait quelqu'un diacre chez moi, ce n'est pas qu'il devient notre chef. C'est une fonction qu'il fait dans la maison de Dieu. Mais si on plaçait un diacre qui n'est pas né de nouveau, il va voler l'argent dans les corps. Amen. Amen. Est-ce que avez-vous déjà vu un diacre qui vole? Moi j'ai déjà vu. Avez-vous déjà vu mes amis voler l'argent? Moi j'ai déjà vu. Avez-vous déjà vu un berger qui commet la fornication avec une soeur dans l'église? J'ai déjà vu. Ce n'est pas que c'est une bonne personne. C'est sur ce point que beaucoup de gens s'échappent. Lorsque vous manquez d'être né de nouveau, sachez que le parcours de toute votre vie est raté. Ici, beaucoup de gens ne disent pas amen. Et on ne donne pas les gens pour dire amen. Que chacun retient ce qui est à lui. Que chacun puisse mirer. Vous allez mentir les gens. Mais vous ne mentirez jamais votre conscience. Vous allez mentir tout le monde. Mais vous ne mentirez pas le ciel. Dieu connaît le cœur de l'homme. Écoutez ce que dit Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie sura kumina saba. Verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortué. Est tellement tortué. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Mais il veut se faire voir devant les gens comme s'il est sauvé. Cette témérité va se terminer du moment où tu vas quitter ce monde. Tu iras voir ton film toi-même. Tu vas pleurer. Le pleur de Judas. Judas aussi avait pleuré. Il avait même pris l'argent qu'il avait vendu Jésus pour le jeter dans l'église. Il a réparé son péché. Est-ce que c'est pour autant que le Seigneur avait pardonné Judas? Est-ce que Dieu avait pardonné Judas? Qu'il avait pleuré? Chaque chose a son temps. Il y a un temps d'écouter la parole de Dieu et un temps de travailler pour se réussir. La décision du problème du salut. Personne ne prend la décision à la place de quelqu'un d'autre. Si vous voulez être sauvé, c'est toi-même. Si vous refusez le salut, Dieu ne peut pas vous forcer. Vous viendrez dans l'église avec une longue jupe, une bonne sœur. Des longs cheveux, une bouche là qui parle beaucoup, vous connaissez toutes choses. C'est ce qui te manquera de faire d'aller au ciel. Alléluia. Kabwa. Vous êtes toujours comme le cœur qui parle pas des autres. C'est seulement une personne qui n'est pas sauvée. C'est comme ça qu'il est. Et une personne qui a expérimenté le salut de Dieu. Dieu ôte le cœur de mon ancien cœur et il met un esprit nouveau. Il doit ôter toute la haine qui était dans le cœur. La racine d'amertume quitte lorsque nous mourons et lorsque nous naissons. Parce que dans le cœur d'une personne, ça ne peut pas rester vide. Où il y a l'amour, où il y a la haine, le cœur ne peut pas être vide. Où c'est Dieu qui est là-bas, où c'est l'incrédulité. Que Dieu nous aide. Maintenant, pour y arriver, le Seigneur ne nous demande pas de quitter le monde. C'est là où il nous a placés pour y vivre. Ce qu'il refuse, ce sont les arrangements du monde et la marche du monde. Ça, nous devons vivre contrairement à cela. Que Dieu nous aide vraiment. J'aimerais vous lire mon christianisme azoezo. Page 128. Kartasi yake mia moya makumi mbili na mnane. Écoutez, ça nous aidera tous. Lors de la prédication de l'évangile. Wakati ya mahubiri ya injili. Différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Maonjo kwa chana chana unafanywa na bale unafuata bale unashikia. Ma expérience ya biakweli frère. Les véritables expériences manduku. Inafanyikaka pendant la prédication de la parole. C'est faux wakati mahubiri unahubiriwa. Ou au moment de la prière. Au wakati ya maombi. Alléluia. Amen. Asa wewe angalia vile unakimbiaka maombi. Maintenant regarde toi comment tu fuis la prière. Utafanya ma expérience na Mungu je. Comment est-ce que tu fais des expériences avec Dieu? Différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Lorsque Pierre prêchait dans la maison de Corneille, suite à une seule prédication, toute l'œuvre du salut kazi yote yakov s'accomplit en une seule fois. Ikatimilika mara moja tu. Allant de la conversion kwanzia mkugeuka jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ufika ta mubatizo romu. Une seule prédication. Mahubiri tu moi. Frère, c'est un jugement pour nous. Il est ni hukumu kwetu. Chez mina weye ndugu na dada. Moi et toi mon frère ma sœur. Tulisha kushikia kama mahubiri ngapi? Nous avons déjà écouté combien de prédications? Aba bo barishikia kama mahubiri moja. Ces gens ici ont écouté une seule prédication. Bana hesabiwa haki. Ils ont été justifiés. Bana hesabiwa mara ya pili. C'est-à-dire ils étaient nés de nouveau. Bana naishi déjà utakaso. Et ils ont expérimenté même la sanctification. Ils ont même reçu le baptême du Saint-Esprit. Une seule prédication. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas le problème de faire longtemps dans le tabernacle. Une personne peut faire longtemps dans l'église. Peut-être on place même dans fonction. Malheur à la personne qui sert Dieu sans être né de nouveau. Malheur à toute personne qui sert Dieu sans pour autant être né de nouveau. Toute l'œuvre du salut s'accomplit en une seule fois. Allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint. Suivant la position intérieure de l'auditeur et de son attente dans la foi. Tout temps que nous venons dans l'église de Dieu, nous devons nous attendre à ce que Dieu va me causer. Parce que, parce que tout enfant de Dieu, lorsqu'il entre dans l'église, Dieu doit lui parler de son problème. Ici, nous ne sommes pas sur un terrain de jeu de foot. Tu sais que cette sœur a commis un tel péché. Vous entendez, la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont chambulana. Ce n'est pas toi qui avais outragé. Mais tu connais que cette sœur avait outragé. Mais là, tu réponds par amen pour attaquer. Ça ne vous aidera pas. Lorsque vous venez dans l'église, au début de la prédication, jusqu'à la fin, et que vous n'entendez pas ce qui vous concerne, ah, sachez que Dieu ne vous connaît pas. Amen. Amen. Dieu parle à ses enfants, les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent lui ressembler. Même s'il parle durement, son objectif est je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Et il parle pour nous retourner dans la voie, afin qu'il n'y ait personne qui soit perdu. Et si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas pour être perdu. Nous sommes ici, c'est pour aller au ciel. S'il y a un enfer, là je ne sais pas celui qui ira là-bas. Moi je suis ici, c'est pour aller au ciel. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, celui qui est prédestiné d'aller au ciel, doit accepter lorsque l'Esprit de Dieu t'attend le réprimander et la parole de Dieu lui retourne dans la voie. Il dira comme Pierre, j'accepte Seigneur. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Maintenant on parle. Toi tu fermes les yeux. Tu fâches même. Tu te fâches contre les prédicateurs. Martin Luther aussi donne son exhortation. John Wesley. Tout véritable prédicateur envoyé de Dieu doit prêcher de telle manière que chacun puisse haïr la vie de péché en lui-même et qu'il puisse mener une vie qui plaît à Dieu. L'objectif du prédicateur, ce n'est pas pour que les gens puissent le considérer le voir. Tout objectif du prédicateur de Dieu, c'est pour amener chacun qu'il fasse une expérience avec son sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Maintenant, nous devons être dans notre façon de vivre. C'est ce qui va nous montrer que nous sommes reconnaissants à notre Dieu par notre vie. Où nous voulons encore crucifier Jésus à la croix au travers de notre vie. Je ne vais pas crucifier Jésus. Il est mort une fois pour toutes pour mes péchés. J'accepte et je crois. Je marcherai avec lui jusqu'à la fin du voyage. Si c'est ça notre prière à tous, Dieu va vraiment nous aider. Regardez mes frères et sœurs. Nous venons de lire Isaïe sur la comitane on attaque. Le serviteur de Dieu, frère Branham, dit chaque frère et chaque sœur doit prendre son nom et s'identifier sur ce texte. Si tu sais que Jésus est mort pour tes péchés, tu ne vivras pas mon âme na yote yote. Tu ne vivras pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Pour achever ce soir, je vais vous donner une petite histoire. Et cet exemple, c'est un problème qui s'est fait dans la chair. Et ça va nous retourner dans le spirituel afin que nous voyons comment nous devons prier. Le prophète raconte une histoire. Il dit, il y avait une femme Mujane. Elle était veuve. Elle avait une fille, une seule fille. Lorsqu'elle était à la maison, elle a eu son bébé avec peu de mois. Elle était dans une maison en étage. Elle est allée à la rivière pour aller nettoyer les habits. Au moment où elle nettoyait les habits, il y a eu un incendie qui s'est produit à la maison. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Toute la maison a pris feu. On est allé l'informer là à la rivière. Ta maison prend feu. Elle est sortie vite. Elle est arrivée à la maison. Le service des pompiers n'était pas encore arrivé. C'est chez les Blancs. Lorsqu'elle était arrivée, elle avait quelque chose dans sa maison. Elle n'avait pas pleuré. Mes super wax. Oh, ma wax yangu. Mes sacs de main. Ah, ma sacoche yangu. Ou mes pagnes. Ah, ma bikwembe yangu. Non, non. A pan. Oh, mon argent. Oh, feza yangu. Il n'a pas pleuré sur cela. Yake. Son problème à elle, c'était le bébé qui était là. Dans maintenant, la maison prenait feu. Les gens entouraient la maison. Nani qui pouvait avoir un cœur dur pour aller prendre le bébé? Anafika. Elle est arrivée. Anabeba mango, il a kufula. Elle a pris les habits qu'elle lessivait. Un habit qu'elle lessivait. Anadifunika. Elle s'est couvert la tête. Anaditupa mumoto. Elle s'est jetée dans le feu. Acha, mama, acha. Ah, c'est. Unyate juu ya mtoto yangu. Laissez-moi, pour mon bébé, je mourrai. Anaingia munyumba. Elle est entrée dans la maison. Eko nenda na kulungula. Elle avançait en train de brûler. Bébé. Elle est arrivée, elle a pris le bébé. Kale kanguo, anamufunga. Elle a pris cet habit, elle a couvert le bébé. Anaiweka pa kilala. Elle a pris ça sur sa poitrine. Jo anatambuka moto. Elle a traversé le feu. Anatoka nje. Elle est sortie dehors. Tellement que moto ilikuwa ya nguvu. Tellement que le feu était vraiment très vif. Elle est tombée par terre. On a ramassé le bébé. Le bébé est intact. Sommes-nous ensemble à l'église? L'enfant n'était pas brûlé. C'est la mère qui a accepté. Elle a accepté de se brûler pour son bébé. Les années se sont écoulées. La maman est devenue déformée au visage. Le visage est devenu ridé partout là-bas. Toute sa beauté était disparu, les cheveux étaient brûlés. Dieu a aidé, elle l'a gardé en vie. Les jours sont passés, l'enfant a grandi. L'enfant est parti étudier à l'université dans une autre ville. Lorsqu'elle avait terminé d'étudier, elle était retournée en train. Sommes-nous ensemble à l'église? Elle retournait avec le train. Sa mère savait que ma fille a terminé les études. Elle est arrivée en ses yeux ne voyaient pas très bien. Elle marchait en titubant. Maintenant, elle a regardé. C'est là ma fille. La voilà, elle descend du train. Maria, mikono iko deforme. Ses mains étaient déformées à cause du feu. Est-ce que sommes-nous ensemble à l'église? Kanisa tuko pamoja. Sommes-nous ensemble à l'église? Les mains de cette maman étaient déformées. Na ku macho deforme. Et tout le visage déformé. Et même sa marche là, elle marchait en boitant. Maria. Elle appelait Marie. Yangu, ma fille, mama mais voici ta maman. Kuya. Viens, kuya ma Maria wangu. Viens, ma Marie. Kuya unipokeye. Viens, embrasse-moi. Parce que ses mains ne pouvaient plus encore s'étendre. Ses mains étaient déformées. Viens, m'embrasser. Maria nashuka. Marie est descendue. Elle a abandonné sa maman à côté. Elle a tourné les dos comme si elle avait rien. Un corsi qui était au train a vu ce mouvement qui s'est passé. Elle a connu le problème qui s'était passé afin que Marie devienne ce qu'elle était. Elle a dit, Marie, tu as oublié que ta maman était très belle plus que toi. Si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle avait accepté de sacrifier sa beauté afin que toi tu sois en vie comme tu es. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Va embrasser ta maman. Elle retournait avec la honte. Elle disait que maman yambi. Prophète dit que c'est ça le problème que beaucoup de chrétiens font. Christ est mort à la croix. Donc il n'y a pas la honte si on dévêtissait quelqu'un les habits. Il avait accepté qu'on puisse le dévêtir. On avait craché sur le visage. On avait percé la lance dans son cou. Alléluia. Amen. Anakufwa, il était mort. Même le soleil refusait de clairer. Je ne verrai pas mon créateur. La Bible dit les colonnes avaient tremblé. Les colonnes avaient brisé. Et la terre a brisé. Alléluia. L'enfant de Dieu mourait à la croix. Lorsqu'il mourait, c'est à cause de toi, mon frère. Lorsqu'il mourait, c'est pour toi et pour moi. Mais là, regardez comment nous vivons aujourd'hui. Tu as honte de mener une vie chrétienne. Tu as oublié que si tu es ce que tu es, il y a une personne qui avait accepté, qui a pris l'ignominie, qu'on puisse le dévêtir devant les petits et les grands, devant même ses parents, et devant sa mère qui était là. Et elle voyait sa nudité. Et il a dit que j'ai fait. Tout est accompli. Pour que mes enfants qui sont à Kambo, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Pour mes élus qui sont dans le territoire de Kambo, qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Qu'ils puissent mener une vie d'une manière agréable. Et il t'appelle ce soir. Viens m'embrasser. C'est toi tel que tu es là-bas. Viens, viens m'embrasser. J'ai la joie de te voir tel que tu es. Que Dieu nous bénisse. Inclinons nos têtes et qu'on se tienne tous debout. Bwana Yesu amevunja minyoro ya maho mewekwa. Wow.